La Mésange Bleue par Liberté. Pendant une belle journée de l'hiver dernier, je me promenais au jardin des plantes. La neige couvrait la terre, les arbres avec leurs têtes poudrées semblaient des petits maîtres de la régence. Peu de promeneurs se montraient dans les vastes allées, et le soleil terne, qui perçait avec peine un voile épais de vapeur, ne réchauffait pas la nature silencieuse. J'errais au hasard dans un des endroits les plus écartés du jardin, quand une jolie scène attira mon attention. Un jeune garçon de 12 à 13 ans, parfaitement mis et en grand deuil, avait écarté la neige dans un étroit espace et s'amusait à jeter quelques miettes de pain aux oiseaux du voisinage. Derrière lui, un vieux domestique en livrée semblait veiller sur lui et portait le manteau que l'enfant avait quitté pour ne pas effrayer ses protégés. Beaucoup de charmants oiseaux étaient venus à ce petit banquet. Les moineaux, si familiers et si gourmands, se disputaient les morceaux les plus gros avec un ramage continuel. Des rouges-gorges descendaient timidement du sommet des marronniers pour prendre part à la fête. Les mésanges arrivaient les unes après les autres et emportaient avec elles, dans les buissons les plus solitaires, la miette de pain qu'elles avaient ravie en passant, et toutes ces gracieuses petites bêtes chantaient, pépiaient, et rossignolaient à plaisir comme pour remercier leur bienfaiteur. L'enfant regardait avec une vive expression de joie ces délicieux ébats des oisillons. Il suivait de l'œil ceux qui paraissaient les plus timides et qui restaient à l'écart. Il leur jetait leur nourriture sans les effaroucher, et il souriait naïvement quand ils avaient pu la soustraire à la voracité des plus forts et des plus hardis. Je m'approchai à mon tour et je partageai aux pauvres affamés un gâteau que je venais d'acheter. L'enfant me remercia par un sourire. « Les malheureuses créatures, me dit-il, ne trouvent pas leur nourriture sur cette terre couverte de neige. Il faut bien avoir pitié d'elles. Vous aimez donc bien les oiseaux ? Lui demandai-je avec intérêt. « Oh oui, me répondit-il en détournant les yeux comme pour cacher une larme. « Surtout les mésanges. » Je compris qu'il y avait dans cette affliction quelque douloureuse histoire et je n'osais l'interroger davantage. Néanmoins, il me semblait intéressant de pénétrer ce secret d'un jeune garçon chez qui je trouvais tant de candeur et de poésie. Je ne vous dirai pas par quels moyens je réussis à exciter sa confiance, et comment je l'amenais à me faire ce récit que je désirais sans oser le demander. Mais après avoir consulté tout bas son domestique, qui semblait lui servir de mentor, il me dit d'une voix douce et mélancolique, pendant que nous nous promenions à pas lents dans une allée déserte. « Oui, monsieur, j'aime ces jolis oiseaux des champs, car ils me rappellent de bien tendres et bien chers souvenirs. Je les aime non pas comme d'autres, en les emprisonnant dans une cage, en les privant de l'air et de la liberté dont ils jouissent, par la volonté de Dieu, mais en les protégeant. Ces frêles existences qui ne nuisent à personne, et sont un charme pour tous. » Ces paroles, si simples et pourtant si sages, m'étonnèrent de la part d'un enfant. Mais il est une précocité que donne la douleur. Elle n'avait pas manqué à mon jeune ami. Il reprit avec un soupir. J'avais une sœur moins âgée que moi d'une année qui pensait de même. Chère petite Nina, elle souffrait de voir souffrir le papillon que j'avais surpris sur une fleur. Elle était si douce, si bonne, si craintive. Chère petite Nina. Je jetai les yeux sur le vêtement de l'enfant et je compris pourquoi il pleurait. L'été dernier, continua-t-il, j'étais à la campagne avec Nina. Un jour, nous nous promenions dans le parc et nous jouions tout à l'aise, quand le cri rauque d'un épervier se fit entendre dans un buisson voisin. Nina eut peur et voulut s'enfuir, mais je la retins. Et nous nous approchâmes du buisson pour en chasser le vilain oiseau de proie, qui s'envola lourdement avec ses grandes ailes. Des plumes fines et déliées volaient çà et là. Nous écartâmes les branches d'un coudrier et nous vîmes un pauvre nid que l'épervier avait saccagé. Un seul des oisillons était encore vivant au milieu des restes sanglants de ses frères et poussait des cris de désespoir, comme pour nous appeler à son secours. La mère avait péri sans doute en défendant sa nichée. Il n'y avait que celui-là, le plus chétif de tous, qui eût été épargné. Nina le prit délicatement dans sa main. « Pauvre petit, dit-elle, il n'a plus ni sa mère ni ses frères. Et peut-être le méchant épervier va revenir. Si nous l'abandonnons, il mourra de faim ou il sera dévoré. Eh bien, dis-je, il faut le garder. Quand il sera devenu fort et quand il pourra chercher sa nourriture, nous lui rendrons sa liberté. Nina fut toute joyeuse et apporta le petit oiseau à la maison. Elle lui fit un nid de coton blanc, et tous les deux nous en eûmes le plus grand soin. Bientôt notre favori prit de l'accroissement. Au lieu de cette petite créature nue et souffreteuse que nous avions recueillie, nous eûmes une petite mésange vive et sémillante, avec des ailes bleues, un ventre jaune citron et une hue pasurée, qu'elle relevait fièrement dans ses moments de joie ou de colère. Elle voltigeait dans la chambre, sautant et pépiant sans cesse, elle semblait nous redemander la liberté. Alors je dis à Nina, « Il ne faut pas que nous ayons sauvé la vie à cette pauvre bête pour la retenir prisonnière. » Nina se mit à pleurer, mais elle prit la mésange et nous descendîmes au jardin. Le temps était serein, le ciel pur, le soleil brillait de tout son éclat. Les arbres étaient chargés de fruits et les plates-bandes du parterre étaient remplies de fleurs. Quand Nina vit la nature si charmante, elle dit en regardant l'oiseau qui se débattait dans sa main, « L'ingrate va nous oublier bien vite. » Nous donnâmes chacun un baiser à notre élève et Nina ouvrit sa main en détournant les yeux. La mésange fendit l'air d'un coup d'aile rapide et alla se percher sur un arbre voisin. Là, elle commença à chanter comme pour célébrer sa délivrance et tout harmonieux qu'était ce ramage, il déchirait le cœur de Nina. Ma sœur s'était assise au pied de l'arbre et en regardait tristement la cime. Tout à coup, elle ne put contenir sa douleur. Elle tendit les bras vers la mésange en appelant « Bluette, Bluette !» C'était le nom qu'elle lui avait donné. Bluette, à cet appel si connu, descendit de l'arbre et vint se percher sur l'épaule de sa jeune maîtresse. Oh, comme Nina fut heureuse alors! Combien elle fit de caresses à son amie qui l'agaçait avec son petit bec noir. Ma sœur parlait de sa voix argentine et la mésange chantait toujours. Des larmes coulaient sur les joues de Nina, et Bluette les essuyait doucement de son aile soyeuse. « Tu vois bien, » me dit Nina avec orgueil, « Bluette ne veut plus me quitter jamais. » Pauvre petite sœur, elle ne savait pas qu'elle disait si juste. L'enfant s'arrêta encore, oppressé par tous ses souvenirs. Il passa la main sur ses yeux et reprit. Dès ce moment commença une amitié plus intime entre Nina et la mésange. L'oiseau ne quittait plus sa maîtresse. Il la suivait en voltigeant dans toute la maison. Il la reconnaissait au son de sa voix, au bruit de ses pas. Nina le faisait accourir du fond du jardin où il allait en liberté. Le matin, c'était lui qui venait la réveiller. Il écartait en chantant les rideaux, venait se poser sur son chevet et becquetait les lèvres roses de la petite fille endormie. Heureuse Bluette, qui embrassait Nina avant notre bonne mère et avant moi. Cependant, la belle saison était passée, et il fallait revenir à Paris. Ma sœur paraissait maladive, et on disait qu'elle avait besoin des secours des plus grands médecins. Quand nous fûmes arrivés ici, elle se trouva encore plus mal qu'auparavant, et bientôt elle ne sortit plus de sa chambre. Souvent, je voyais les femmes de service échanger à voix basse des paroles tristes, et maman, en causant avec ma sœur et avec moi, se cachait quelquefois pour pleurer. Mais je ne comprenais pas encore ce que c'était que mourir. Bluette accompagnait partout sa maîtresse. Celle-ci ne pouvait souffrir non plus que la mésange s'éloignât d'elle, et dans sa naïveté d'enfant et de malade, elle contait ses souffrances à son amie. Que de fois ai-je vu Bluette perchée sur le petit doigt blanc de Nina, et paraissant écouter avec attention les plaintes de ma sœur. Dans ces moments douloureux, elle avait perdu son ramage, plus d'agacerie, de battements d'ailes. La mésange était triste, pensive, comme si elle eût senti les maux dont on se plaignait. Quand Nina, épuisée de sa causerie, gardait le silence, Bluette avançait bien doucement sa tête bleue pour lui donner un baiser d'encouragement. Puis toutes deux s'endormaient dans leur alcôve de gaze blanche. Un jour, on m'avait laissé seul un moment auprès de ma sœur. Je la croyais assoupie, quand tout à coup je l'entendis m'appeler d'une voix faible. Je m'approchai d'elle avec empressement. « Adieu, frère, » dit-elle. « Je sens que je vais mourir. Où est maman ?» Je voulus la rassurer et lui dis que maman allait rentrer. « Embrasse-moi, » me dit-elle. Je me penchai vers elle pour l'embrasser, mais elle venait de retomber sans mouvement sur le chevet. Elle était morte. Je poussai un grand cri et me jetai à genoux. En ce moment, la mésange qui reposait près de ma sœur prit son vol et s'échappa, avec un petit ramage doux et plaintif, par la fenêtre entr'ouverte. Je crus voir l'âme angélique de ma petite Nina monter vers le ciel avec ses ailes d'azur. Je pris la main de l'enfant et la pressai dans la mienne. Il me remercia d'un signe de tête. Son vieux domestique, qui s'était rapproché de nous pendant ce récit, avait les yeux pleins de larmes. « Il vous dira tout ce que j'ai souffert, » poursuivit le jeune garçon, en désignant son fidèle surveillant. « Ma gentille sœur n'aimait pas un ingrat. » Comme il se taisait, je lui demandais timidement, « Et la mésange, savez-vous ce qu'elle est devenue ?» Il fit un effort sur lui-même et continua. Aussitôt que j'eus repris un peu de force, je demandai qu'on me conduisît au tombeau de Nina dans le cimetière du Père-Lachaise. Je m'agenouillai sur le marbre et je priai pour ma sœur. Le chant d'un oiseau qui se fit entendre tout près de moi attira mon attention. Je levai la tête et j'aperçus sur un cyprès voisin une mésange bleue. Mon cœur battit violemment. J'appelai « Bluette, Bluette !» comme appelait ma sœur. La mésange vint se percher sur mon doigt. Je mouillai de mes larmes cette charmante créature, je la couvris de baisers. Au bout d'un moment, elle alla se réfugier dans les couronnes de fleurs d'oranger et d'immortelles qui ornaient la croix du tombeau, comme pour me dire qu'elle appartenait encore à la morte. Chaque fois que j'ai visité le cimetière, j'ai vu Bluette auprès de sa petite maîtresse. Le jour, elle chantait sur la tombe. La nuit, elle couchait dans les fleurs virginales que des mains amies y venaient déposer. Il y a quelques jours, nous l'avons trouvée morte de froid, à sa place accoutumée. Elle n'a pas voulu quitter la pauvre Nina. Pendant ce récit, nous avions atteint la grille du pont d'Austerlitz. Une voiture attendait l'enfant et son gouverneur. Au moment de nous séparer, il me dit avec un sourire mélancolique « Vous savez maintenant pourquoi j'aime les oiseaux. » C'était « La Mésange Bleue » par Libertaire.